Bonjour Capricorne, ami Capricorne ou ascendant Capricorne, je suis heureuse de vous retrouver pour effectuer votre petit tirage de l'oracle de Béline pour voir ce que va vous dire le Béline concernant vos amours. On va se concentrer sur vos amours en octobre 2023. Allez, on y va. Quel est le message ou le conseil hein, pour les célibataires ou les couples? On va voir ça. Alors, la coupe, elle est sympathique. Elle indique que, bon, apparemment, vous allez être quand même pas mal prise par des responsabilités plutôt professionnelles. Vous allez vous sentir assez sûr de vous. Peut-être que certains gagneront peut-être en galons au travail. Mais ça ne concerne pas ce tirage-là. Mais on dirait que vous allez vous sentir vraiment confiant en vous, en votre avenir. Même dans vos échanges intellectuellement et tout ça, vous allez vous sentir en pleine forme. Et donc ça peut jouer dans votre vie amoureuse. Donc cela colore le jeu. On va voir la suite. Le tirage en lui-même pour l'amour du Capricorne en octobre 2023. Et voilà. Alors, ah, ça c'est pas bien. Et ça c'est mieux. Mais écoutez, voilà. Alors, pour les célibataires, vous voyez, vous attendez, vous recherchez. Apparemment, vous avez pas mal regardé autour de vous ces derniers temps. Et vous allez continuer. Vous allez continuer à prendre des initiatives amoureuses. Et ça, c'est bien. Parce que vous allez vraiment vouloir changer en octobre. Il y a la solitude qui rayonne sur le jeu. Et par rapport à cela, eh bien, des démarches, des échanges, des messages, des sorties, des démarches diverses qui vont vous apporter normalement la chance et la possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc continuez sur votre bel élan apparemment que vous avez pu avoir en fin du mois dernier. Vraiment continuez vos initiatives pour rencontrer quelqu'un parce que cela devrait vraiment être normalement, cela devrait aboutir et être bénéfique. Alors, pour les couples qui vont bien, apparemment, c'est vrai que vous êtes pas mal, vous, moi je le lis autrement ici, vous allez être pas mal accaparé par votre vie socio-professionnelle, si vous ne travaillez pas, c'est par vos activités diverses, et voilà, vous n'allez pas être des plus axés sur l'amour, mais bon, de toute façon, c'est bien parce que on vous demande de saisir une chance là qui peut se présenter pour vous, pour votre épanouissement plutôt dans votre vie active et peut-être financière même. Et pour les couples pour qui ça n'allait pas, eh bien c'est pareil, vous allez un petit peu mettre de côté les dissensions parce que vous allez avoir plutôt de bonnes nouvelles au niveau actif, socio-professionnel, peut-être financier. Et du coup, vous allez vraiment vous axer là-dessus pour mettre toutes les chances de votre côté et ne pas vous épuiser à essayer de régler les histoires de votre couple. En tout cas, c'est le conseil. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris le message. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'octobre 2023.